Bonjour. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle attirent de plus en plus de marcheurs, croyants ou non. Un Français sur quatre a fait ou envisage de faire un pèlerinage, selon un sondage Sofres de 2004. En ce moment, les étudiants qui ont marché jusqu'à Compostelle cet été rentrent chez eux à quelques semaines de la reprise des cours. Pour le magazine de la rédaction de France Inter, Guillaume Battin a suivi deux marcheuses cet été, Bérangère, catholique pratiquante, et Nathalie, en quête de spiritualité. Bérangère a 23 ans, elle vient de terminer ses études. Nathalie a 36 ans, originaire d'un petit village du Lot, elle a toujours tout donné à sa carrière. Certains pèlerins sont croyants, d'autres sont là pour le simple amour de la marche ou de l'art roman. Des chemins partent de la plupart des régions d'Europe pour converger vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Santiago de Compostela en espagnol. Interception a rencontré Nathalie quelques semaines avant son départ pour la retrouver ensuite sur les chemins de Saint-Jacques. Quant à Bérangère, elle a dit au revoir à ses proches en notre compagnie à Versailles après avoir assisté à une messe. Elle s'est confiée à son rythme tout au long du chemin, à Guillaume Battin, mais aussi à un magnétophone qu'elle avait emporté. Voici Interception, Compostelle, chacun sa route. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, les précieux danses de joie, chante Alléluia. Bérangère, en ce jour, nous fêtons Saint Thomas, apôtre. Te voilà à prendre la route aussi d'un autre apôtre pour suivre le Christ. Aller à Saint-Jacques, prendre le chemin de Saint-Jacques, c'est pas faire un exploit sportif ni une aventure, une pseudo-aventure, mais d'abord cette aventure intérieure de se mettre à l'écoute de celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Pars, je veux plus te voir. Elle a transpiré. Alors, t'es prête, ça y est? À peu près, oui. Plus qu'à dire au revoir et j'y vais. Les bouteilles d'eau, la crème solaire? Oui, crème solaire, bien fine pour après. Je pense que ça suffira pas. Un chapeau? Un chapeau, oui, à total. Les chemises à manches longues pour après, coup de soleil et... et la coquille sur le sac. C'est parti. Pas forcément évident de lâcher tout le monde, ouais. Mais bon, c'est voulu depuis très longtemps et ça ira mieux sur le chemin. Enfin, il y a toujours quand même un peu d'émotion en partant, mais voilà. Et tu penses qu'ils sont confiants, tes proches? Pas tous. La famille en particulier est très très affolée, je crois. Mais bon, je pense qu'il faut faire confiance aussi et que pour ce mois et demi de marche. Voilà. Et tu as tenu à le faire toute seule? Oui, toute seule. Toute seule pour peut-être plus de recul, pour plus de rencontres aussi avec les gens. J'ai choisi de dormir chez l'habitant, de sonner tous les soirs aux portes. Là, je me dis que je serais vraiment au sein des familles. Vraiment pèlerinage mendiant. Je me dis que un moyen de rencontrer aussi plus facilement, d'aller demander son pain et son logis chaque soir. Voilà. Ça fait 5 jours que je suis partie. Et donc hier, j'ai dormi pour la première fois chez quelqu'un chez qui j'avais toqué. Alors j'appréhendais beaucoup cette première demande, parce que c'est vrai qu'elle est un peu déterminante. Si cette nuit-là s'était mal passée, je pense que le lendemain, j'aurais réfléchi au moins 2 fois avant d'aller vers une porte. Donc je suis arrivée dans le village où j'avais prévu de dormir. J'ai sonné à 2-3 portes où personne n'a répondu. Et puis j'ai aperçu comme des bureaux sur la gauche avec des locaux tout en verre. Un homme en est sorti, il est venu me voir. Et quand je lui ai expliqué que je cherchais juste un endroit où dormir, il m'a dit que j'étais en fait dans un centre d'éducation pour enfants un peu difficiles. Mais il m'a dit, écoutez, c'est pas un problème, prenez cette rue-là, ensuite l'autre, enfin, il m'a indiqué un chemin, Et sa femme m'attendait devant la porte. Ils m'ont vraiment accueillie comme si j'étais leur fille, dans la chambre de leur fille d'ailleurs, qui n'était pas là à ce moment-là. J'ai passé une soirée toute tranquille avec eux. Et c'est vraiment ce que je recherchais en allant chez les gens. Une soirée normale, quotidienne. Ça m'a vraiment donné confiance dans ce que je pensais. On peut s'adresser à n'importe qui. A priori, il n'y a pas trop de problèmes. Et donc, je suis très très contente d'avoir pris la décision de faire ce pèlerinage, voilà, en toquant chez les gens. La feuille de route de Bérengère, c'est Versailles-Saint-Jacques, 1576 km, dont un tiers en train de Poitiers à Hendaye. C'est un vieux rêve qui devient réalité pour cette catholique pratiquante de 23 ans. Le pèlerinage lui trottait dans la tête depuis 5 ans. Elle est partie le 3 juillet contre l'avis de ses parents. Chez Nathalie, difficile de perdre les habitudes du boulot. Cette jeune femme d'affaires gère une société de formation dans l'hygiène et la sécurité. Pour Nathalie, Compostelle est loin du pèlerinage religieux, elle n'est pas croyante. 2 semaines avant son départ, pour 2 mois de congé sans solde, elle nous reçoit dans son bureau à côté de Toulouse et se confie. Des semaines à 70 heures et pas de vie amoureuse ni sociale, une éducation basée sur la réussite professionnelle à tout prix. À 36 ans, Nathalie avoue que sa relation avec ses parents l'a fait souffrir. C'est la première fois que je vais partir en 10 ans, ça c'est un sentiment qui est très très puissant de partir sans aucun moyen ni de communication, mais quelque part c'est pas le moyen de communication, c'est le moyen de pression sur moi qui va être rompu. Et ce moyen de pression, moi je le ressens parce que j'ai entretenu dans mon rapport au travail un sentiment de culpabilité où toutes les choses doivent être faites en heure et en temps, bien faites, où je suis rigoureuse, et cette rigueur que j'ai au travail, malheureusement, je l'ai pas dans ma vie personnelle. Enfin, pour des choses qui me semblent aujourd'hui importantes dans ma vie personnelle, je l'ai pas. Donc, et là, ça m'émeut et ça me fait monter les larmes aux yeux, ça, de dire ça, parce que je me dis que si j'avais, en fait, si je m'étais autant appliquée à gérer ma vie comme j'ai géré une entreprise pendant 8 ans, peut-être qu'aujourd'hui, je n'éprouverai pas le besoin de partir à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, j'ai l'impression qu'en faisant Compostelle, je vais marcher vers moi, quoi, voilà. Je vais marcher vers ce que je suis. Donc, on en reparlera au mois de juillet. Tout le monde est prêt ? Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin, jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Pascal, donne-nous la main. Où le Tréa, où le Tréa, et sous Tréa, Deus adjum agnos. Bon chemin. Qui a perdu ça? Bonjour. Bonjour. Ça va bien? En pleine forme. C'est vrai. Ça se voit? Ça se voit? Ouais, ça se voit, ouais. Ah ouais, non, c'est... Ça va bien. L'endroit est magnifique, les villages sont superbes, il fait un temps génial. Ouais. Hein, pas trop chaud. Non, il fait pas trop chaud. Sauf que moi, je me débrouille de marcher toujours quand il fait plus chaud. Ouais. Nathalie, là, ça fait quelques jours que t'es partie, et puis tu t'es rendu compte que il y avait du superflu dans ton sac. Hein. Il y avait du superflu, il y a du superflu qui pèse des grammes, plus des grammes, qui font des centaines de grammes. Et plus j'en enlève, mieux mes pieds vont se porter. Donc je m'allège, ça fait la deuxième fois que je m'allège. Et là, je devrais être à 6 kilos. Qu'est-ce qui sort là ? Mon matelas, qui est percé, qui m'a servi une seule fois. Une timbale, qui m'a jamais servi. Et la notice de mon portable tout neuf, qui me sépare. Des enveloppes. Mes lunettes de vue, qui sont cassées. Ah bah ça y est, elles sont cassées, voilà. Ah, elles sont vraiment cassées. On s'est rencontrés un peu avant que tu partes. Mmh. Et aujourd'hui, en te voyant, tu respires la bonne santé, la bonne humeur, les yeux qui brillent. Tu te sens bien, là ? Ah oui, enfin, je me sens... Je me sens en phase avec, ce que je suis, enfin, ce que je suis aujourd'hui. Je me pose pas trop de questions sur... Depuis que je suis partie, il y a plein de choses qui se passent. Les deux premiers jours, c'est... Toutes les pensées se heurtent, elles sont à la cadence des pas. On cherche justement son rythme, on règle son sac à dos, on le dérègle. On se dit non, c'est pas comme ça qu'il faut que je porte, je vais me faire mal. Enfin, pendant deux jours, on fait que ça. Enfin, moi, j'ai fait que ça. Le premier jour, je suis partie, je pense avoir pleuré pendant une heure à peu près. Et je ne me suis pas retournée une seule fois sur ma maison, sur celle de mes parents, puisque c'est à eux que j'ai remis la clé. Et je me suis par contre jamais remise en question depuis le 21 juin de qu'est-ce que je faisais là. Voilà, c'est... j'ai l'impression que, certes, mon sac s'allège, mais ma tête aussi, quoi. Ce qui me manque souvent sur le chemin, c'est de pouvoir me baigner. Je rêve des fois d'une piscine, d'un plomb d'eau dans lequel je pourrais me jeter. Ouais, ils sont souvent pas terribles, hein, pour c'est plus de des marres. Hein. Non, c'est tout droit. C'est tout droit. Hein. On reste une chose, c'est de retrouver le calme. Ouais. Dès qu'on voit les indications du GR qui tournent sur un petit chemin, c'est dit, ah super. Et forcément aussi quand on traverse les villages, comme ici Miradou, là dans le Gers, eh ben, il y a les tracteurs, les 38 tonnes. J'aime bien en fait traverser les villages parce que souvent ce que je regarde d'abord les églises, et d'ailleurs là je ne suis pas rentrée dans celle de Miradou. Quelquefois elles sont fermées. Après je regarde la place du village et puis ce que j'aime bien c'est regarder, observer les gens et souvent on croise beaucoup de petits vieux en fait. Voilà, les gens, les autres travaillent très souvent. Et puis, le papy qui repeint ses volets, là, comme tout à l'heure. La mamie qui arrose ses fleurs. Et ce que j'aime bien, c'est passer là, devant les écoles, là, comme tout à l'heure. C'est l'heure de la récréation, il y a les gamins qui jouent. L'autre fois, j'ai envoyé les ballons qui étaient tombés de l'autre côté, c'était à Cajard. De l'autre côté de... De la cour, donc j'ai renvoyé les ballons, c'était sympa. Et moi, je regarde pas les indications, pardon. Alors là, j'ai vu une croix rouge et blanche à gauche, donc okay. A priori, c'est pas là. Ça ne peut être que tout droit. Très bien. Très bien, très bien. Là, c'est une petite route à gauche, une autre à droite. T'es sûr que c'est tout droit ? Ah non, moi, j'ai pas vu les indications. Moi non plus. Ouais, tu m'as dit que tu avais vu que c'était barré. Ouais, mais. Elles sont quand même assez régulièrement affichées, non, ces marques ouais. Là, il n'y a rien. Je regarde quand même, parce que... T'as un guide ? Tu voulais regarder ? C'est, il est... ouais. Sur la chaussette ? Non, ouais. Dans la poche, il est devant. Ouais. Ça y est, on vient de quitter le bitume, enfin, même s'il n'est pas loin, hein, on va border la route là, depuis ce petit chemin qui est balisé là, de manière très concrète, avec des panneaux partout. Il y a par exemple là devant nous plusieurs précisions autorisées avec un petit logo aux marcheurs, aux vététistes, aux cavaliers, donc à tous ceux qui font le chemin de Saint-Jacques sous ses différentes formes, en marchant à vélo ou à cheval. Non autorisés en revanche, les quads, les voitures et les motos, avec en dessous ce petit signe qu'on retrouve sur tous les chemins de Saint-Jacques en France, que ce soit en venant de Tours, en venant du Puy-en-Velay, en venant du chemin d'Arles, de la Méditerranée, la bande rouge avec la bande blanche, qui ressemble à peu près au drapeau de Monaco, de la Pologne, et puis au-dessus, une coquille Saint-Jacques, jaune sur fond bleu, voilà. Et puis à gauche, la direction, Lectour, qui est donc l'étape du soir de Nathalie, 3h45, 15 km. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, moi, être un véritable pèlerin. Si je vous parle de ce que c'est un véritable pèlerin, je veux faire que redire ce que j'ai pu lire dans les églises, dans les textes, avoir l'âme du pèlerin, se dépouiller de tout. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas d'expérience. Par contre, pour la plupart, je croise des gens qui, pour moi, sont sur un esprit de randonnée. Ils utilisent les chemins parce que c'est fléché, parce qu'il y a des gîtes. Les premiers en fait kilomètres, les premiers jours, c'était je ressentais la nécessité d'avancer sur le chemin toute seule. Et maintenant c'est pas une nécessité. Je sais que pour moi en fait ça correspond à la totale liberté. Ça paraît bête, mais la liberté de faire pipi quand j'en ai envie, de prendre le temps qu'il faut. De courir sur le chemin, de courir, si t'en as envie, comme ça m'est arrivé effectivement en arrivant à Cahors, la liberté de parler à voix haute, mais surtout la totale liberté, c'est d'être sur ce chemin sans identité, si ce n'est celle des gens que j'ai rencontrés qui savent que je marche vers Compostelle, que je m'appelle Nathalie. Mais ils savent des moments de ma vie, c'est tout. Mais se dépouiller en fait de son identité sociale, professionnelle, familiale, voire culturelle, c'est une richesse. Et plus je reste seule, plus je m'ouvre en fait à l'identité de l'autre, sociale, culturelle, familiale. Donc c'est très marrant parce que les choses qu'on ne fait pas dans la vie quotidienne, on est capable de les vivre sur le chemin. Ça, c'est magnifique. Personne n'a mon numéro de téléphone. Donc j'ai voulu vraiment une réelle coupure avec ma vie. Je m'interroge d'ailleurs pourquoi j'ai souhaité autant me couper de mon quotidien. Pour l'instant, j'ai pas les réponses. Ça m'est arrivé quelquefois le soir de dire tiens, je vais appeler un tel. Et puis je me dis mais non, j'ai pas envie. Et tant et si bien, l'autre jour, la première étape, j'ai laissé donc des affaires. Et la première étape, j'étais à côté de chez une copine. Donc je l'ai appelée pour lui dire que je passais, et si je pouvais lui laisser les affaires chez elle. Et donc elle n'était pas là. Et donc j'ai laissé les affaires dans le camping où j'ai dormi pour qu'elle puisse les récupérer. Et je devais donc le lendemain l'appeler pour lui dire dans quel camping les affaires étaient. Et bien cette démarche-là, je n'ai pas pu la faire. Je lui ai écrit pour lui dire où étaient mes affaires en lui disant que j'avais perdu la parole. Le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu que lui-même vient nous sauver. Bon, alors notre chant de pèlerin, notre chant de marcheur, notre chant d'amis qui sont encore une fois sur le chemin de Compostelle. Alors, le pèlerin pour Saint-Jacques se devait d'avoir quelques objets significatifs pour son chemin. La traditionnelle coquille Saint-Jacques qui permettait lui de le reconnaître. À l'origine, cette coquille était prise par les pèlerins le long de la plage pour leur permettre de boire dans les fontaines. Ça leur servait de verre. La mienne est percée pour pouvoir être accrochée sur mon sac, donc je ne pourrais pas m'en servir comme un verre. Donc il y avait la coquille Saint-Jacques, le bourdon et la besace. Le bourdon, c'est la canne. Beaucoup maintenant les remplacent par des bâtons télescopiques qui sont plus légers. Moi, j'ai opté pour le vrai bâton de forêt. Il a fini par lâcher juste après Chartres. Donc j'ai trouvé un autre bâton complètement tordu. Et puis ce matin, en partant de chez les gens où j'étais accueillie, ils m'ont dit que mon bâton était vraiment trop tordu. C'était dans une ferme. Et donc le monsieur m'a accompagné dans sa grange où il avait pas mal de bâtons en réserve. Il m'a dit de choisir, donc j'en ai pris un et je suis vraiment contente parce que ça y est, j'ai trouvé mon bourdon, celui que je garderai pendant tout le chemin. Il est un petit peu lourd mais ça va. Et puis la besace, c'est mon sac à dos. Il est un peu trop lourd mais on verra. Autrefois, c'est vrai que le pèlerin avait juste son pain pour la journée. Et je pense que c'est tout. Il y a un autre document important aujourd'hui, c'est la crédentiale, qui est le document donné par l'Église ou par une association jacquaire, et qui permet de faire tamponner régulièrement sur son chemin pour valider en quelque sorte le pèlerinage. Il suffit de le faire tamponner dans les mairies, dans les églises, ou même dans les gîtes maintenant qui sont équipés. Et puis à l'arrivée à Saint-Jacques, il est délivré la Compostella, qui est le document attestant que la personne a bien suivi le pèlerinage et est arrivée à Saint-Jacques. Et cette Compostella est distribuée dès que 100 km au moins ont été faits à pied, ou 300 je crois, en vélo ou à cheval. Voilà, j'espère que j'aurai pas mal de tampons, c'est toujours amusant à garder. Le Bob vissait sur la tête, un polo sur ses frêles épaules, mais pas de godillot pour avaler les kilomètres. Bérangère a opté rapidement pour les nu-pieds, laissant apparaître de belles traces de bronzage à hauteur des chevilles. 10 kilos au départ de Versailles, le sac de Bérangère est passé à 8 sur le Camino del Norte, le chemin du Nord. Nous sommes en Espagne, le long du littoral atlantique. T'as fait une prière ce matin avant de partir ou pas ? Oui. Pour confier ma journée, confier tous les gens que j'allais rencontrer. Pour que ça se passe bien. Depuis le début là, j'ai mal pris l'habitude de parler en quelque sorte, parler à mon ange gardien. Et je l'appelle Jules. Je l'appelais Jules, je sais pas pourquoi. Et donc souvent, pendant la journée, je lui dis oh là, Jules, fais pas gaffe parce que là par exemple, il y a des voitures qui foncent. Évite qu'il y en ait une qui me rentre dedans. Mais. Tu sens qu'il y a un ange gardien là qui veille sur toi tout au long de la journée. Ah oui. C'est aussi pour ça que je suis partie. Tout le monde me disait que c'est de l'inconscience de partir en tant que femme seule. Moi, je suis partie tout à fait consciente en me disant que le ciel m'aiderait et me protégerait aussi sur mon chemin. Je sais que je suis pas toute seule, que j'ai mon ange gardien à côté de moi. Et d'autres, des amis m'ont dit qu'ils m'envoyaient le leur, qu'il y en aurait peut-être moins besoin cet été. Ils m'ont dit « Ah ben je te prête le mien ». Je suis quand même consciente que pour les parents c'est pas évident, sur le chemin, c'est d'ailleurs très souvent ce que les, en particulier les femmes m'ont dit. On dit mais vos parents là-dedans, votre mère. Et très souvent, je me suis limite fait engueuler par toutes les petites dames sur le chemin en me disant mais donnez-leur des nouvelles plus souvent. C'est horrible pour une mère de famille de voir sa fille partir. Mais voilà, il faut qu'elle apprenne aussi à me lâcher. On pourrait dire que le chemin t'ouvre une voie justement vers la vie d'adulte, c'est ça? Oui, c'est... Bah, en plus, le fait que ce soit voilà, ce moment de transition dans ma vie, ça va aussi me permettre de réfléchir à tout ce que je veux faire dans ma vie après, voir l'essentiel, ce que je veux faire de ma vie. Voilà, lâcher tout le superflu pendant quelques mois, ça permet de se recentrer et de vraiment penser au principal. En bas ou en haut là? On est sur le bon chemin? Non, il y a une croix ouais, jaune, donc c'est pas là. C'est là. Ouais. Salut les bêtes! Il y a des tout petits. Petit poulain, pas vieux. Petit poulain et sa maman. Il a bien marché deux jours. Et j'ai eu en France beaucoup de beaux oiseaux, des perdrix, des buses, pas mal de lapins, de lièvres, ça je les compte même plus. Et puis quelques chevreuils, mais c'est agréable. Et puis d'un côté religieux aussi, moi ça me... Enfin, pour moi c'est vraiment admirer la créature que Dieu a fait pour nous, enfin, juste pour le simple plaisir de l'homme. Ça me renvoie... Enfin oui, ça m'arrive régulièrement, voilà, devant un beau paysage, une petite prière, ce qu'on appelle une louange, donc une action de grâce et un remerciement justement pour le Seigneur, en disant un pur cadeau que tu nous as fait, merci. On a dû faire 20 km ce matin depuis le départ d'Irune. Et derrière cette montagne, a priori, et cette antenne, là, ce pylône radio, on devrait trouver Saint-Sébastien, l'étape donc terminus de ce soir pour Bérangère. On est face à la mer, c'est assez agréable, mais il fait très très chaud. On entend les insectes à droite, à gauche, et on marche dans un tout petit chemin qui est entouré de fougères et d'herbes hautes. Il y a un chant que j'aime beaucoup, et qui est une prière de Charles de Foucault qui a été mise en musique. Et c'est, les paroles, c'est vraiment « Mon père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira ». Sur le chemin, c'est un peu ça. Si tu veux que j'arrive au bout, tant mieux, emmène-moi jusqu'au bout. S'il doit m'arriver quelque chose, fait que je l'accepte aussi. Et ce chant-là, c'est peut-être celui que je prends le plus souvent là, en marchant. Estamos en directo en el camping, probando. ¿Eh? Todo bien, ¿no? Le van a hacer un reportaje a esa chica, es una peregrina. Un reportaje. Ah, perfecto. Entonces, no problem. Take your time. No hay problema. Ok, gracias. Bon, là maintenant, c'est l'heure de la recherche d'un toit, oui. D'un lit. Alors pour le toit, ça va être compliqué. Et oui, je suis arrivée au camping de Saint-Sébastien, mais ils n'ont pas de tente à louer, plus de bungalow possible. Donc je vais dormir à la Belle Étoile dans un emplacement de camping. Super. On verra bien. Il paraît qu'ils ont prévu de la pluie en plus pour cette nuit, parce que sinon c'était pas drôle. Et donc voilà, je vais peut-être me faire tremper cette nuit. Ce sera la première nuit depuis mon départ. Mais... Première nuit à la Belle Étoile, hein, tu passes. Oui. toi, c'est chez toi aussi. J'ai pas de tapis de sol en plus parce que. T'as rien, t'as ton sac de couchage et c'est tout. Oui. S'il pleut cette nuit, comment ça va se passer ? S'il pleut, je vais voir d'abord, suivant les personnes qui s'installent autour, si je vois qu'il y a des gens qui ont l'air très sympas, voir des Français, ce sera encore plus facile d'aller les voir. Je vais peut-être leur demander s'ils ont une place pour au cas où, justement. Et parce que sinon, il n'y a aucun abri, il m'a dit, pour m'abriter en pleine nuit s'il pleut trop. Parce que le ciel est très très couvert, il a fait très chaud aujourd'hui, là c'est lourd, humide, on colle. Tu parlais du besoin pressant de prendre une douche, mais c'est vraiment un temps orageux, quoi. Oui, je sens la bonne averse. Quelques emplacements plus loin, Bérangère aperçoit deux jeunes filles assises devant leur tentiglou. Nous allons ensemble à leur rencontre et c'est dans un anglais plutôt hésitant que Bérangère va demander son repas. Sur le chemin espagnol, les pèlerins sont plus nombreux. Mais face à la concurrence, Bérangère a choisi de moins faire appel à la générosité. Mais ce soir-là, elle fait une exception. Hello. Hello. I'm going to Santiago. I'm French in a pilgrimage. And I want to ask you if you have food or something to give me. Yes. For my dinner, we've got we have muesli and pipas. Okay. Yeah. But I don't want. Malgré la barrière de la langue, Bérangère parvient à se faire comprendre. Elle suscite même l'admiration, car l'une des Anglaises, elle aussi, rêve de Compostelle. Pour le repas ce soir, ce sera muesli et graines de tournesol. And very good good evening. Yeah, and you enjoy your walk. Bon, il y a Michel qui va vous parler après, un peu, et après on fera une demi-heure de silence. Jusqu'à la baronnie. Écartez le cercle. Bon, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chemin de terre et chemin de foi, voix mille et l'air de l'Europe, la voix lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tout. Sur le chemin de Vézelay, nous marchons aux côtés des 60 bénévoles de Compostelle 2000. C'est une association qui fait partager cette aventure aux handicapés moteurs. Ils sont installés sur des joëlettes, des brancards à roulettes. Vous pouvez descendre direct les gens à pied, les joëlettes vont tourner plus loin. Sur le Camino Frances, nous croisons José, espagnol de 38 ans. Il a démarré à Salamanque en Espagne et a mis le cap sur Rome avec son âne, Thomas. Brahim, musulman, partage l'aventure avec ses copains catholiques. Et puis il y a Jacques, un accro du pèlerinage. Il entame son quatrième au rythme de 40 km par jour. L'an dernier, il a vu une femme marcher pieds nus du début à la fin. En France, sur le chemin, la moyenne d'âge tourne autour de la cinquantaine. On croise beaucoup de retraités. De l'autre côté de la frontière, les étudiants espagnols envahissent les dernières centaines de kilomètres. Toutes nationalités confondues, 45% des pèlerins qui décrochent la Compostela ont moins de 35 ans. 700 km avant l'arrivée à Saint-Jacques, le soleil tape et Nathalie marche encore en pantalon et chemisier pour éviter les marques de bronzage. C'est quand même difficile aujourd'hui, je trouve, par des mots, de relater réellement ce que je ressens. Il me semble que ça m'est plus difficile de relater les transformations en moi aujourd'hui qu'avant mon départ ou dans les premiers jours de marche, de ce que je ressentais ou de ce que j'allais chercher ou de. Aujourd'hui, le fait de lâcher prise, ça m'apprend aussi. Je découvre des choses inattendues. C'est difficile de mettre des mots dessus, ce que je ressens réellement. Je sais seulement que c'est positif. Voilà. Et donc, quand c'est positif, finalement, on se pose plus de questions, je dis des choses et... Il y a des pèlerins devant nous, tu veux t'arrêter? Tu les connais? Je les connais, je crois qu'ils sont français d'ailleurs. Je les ai vus plusieurs fois dans les refuges. Et regarde, il a une barbe à papa. Une barbe à papa. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez Nathalie? Oui. Nathalie. Ouais, c'est moi. Tous les deux. C'est un petit copain. Moi, je m'appelle Lucas Nicolas. Et lui, c'est moi, Pierre-Jean. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 10 ans et lui, il a 12 ans. Et vous êtes venu avec qui? Avec mon papa père et mon grand frère. Vous venez d'où comme ça? De Saint-Jean. Enfin, on est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, on vient de. Comment s'appelle déjà, papa? Je ne sais même plus d'où on vient. On vient de quelle ville, la précédente? Ah, je l'avais dit en plus tout à l'heure. C'est terrible, hein, à force ah, de. Ah, Santo Domingo de la Calzada aussi. Avec le poulet le coq. Enfin, la poule. On a visité aussi le musée. Et je sais même moi pas j'ai toujours. Je peux sauter, je peux courir encore. Eux ils sont épuisés. C'est pas trop dur de marcher 20-30 km comme ça? À la fin on commence à. Ça commence à brûler sur les côtés, mais. Ouais mais après on s'habitue. Après on est content d'arriver pour enlever nos chaussures, mais sinon non. L'année prochaine, le maximum qu'on va faire, ça va être 32 km maximum. L'année prochaine. Là c'est 22. C'est bizarre à votre âge de faire le chemin de Saint-Jacques. Ouais, mon papa, on dit qu'on est des espèces rares de disparition. Et au passage, notre famille elle se fait surveiller par Saint-Jacques. Vous croyez en Dieu tous les deux? Quoi? Vous croyez en Dieu tous les deux? Oh bah bon, Dieu bah diable. C'est pas génial de faire le chemin de ce Saint-Jacques de Compostelle avec ses fils? Si, il a juste pris les trois derniers. En fait, l'an dernier, je suis parti, je l'ai fait tout seul. Et je me suis dit, c'est un bon moyen de se retrouver avec les trois derniers et d'apprendre à se connaître un peu plus. Voilà. Je passe souvent du temps avec mon frère, surtout mes frères. Avec ton papa, pas trop. Parce que mes parents, ils sont divorcés. Voilà. Moi, j'aime bien les voir à chaque fois quand j'arrive. Non, quand vous arrivez, moi, je pars à chaque fois. Ouais. Ouais, on fait que se croiser. Bah, au revoir. À bientôt. Ouais. À bientôt. Comme on dit en espagnol, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la vista. Hasta la vista. Nathalie, ça fait un mois que t'es partie de ta maison. Aujourd'hui même. C'était symbolique, c'est une journée un peu particulière. T'y penses? Oui, j'y pense. Un mois, ça représente rien. Pour moi, ça fait longtemps que je suis sur le chemin. Ouais. Mais sur le chemin, tu te découvres réellement avec ce que tu vis difficilement dans la vie hors chemin, dans la vie quotidienne. Je crois que c'est amplifié sur le chemin. Donc j'ai mis, je dirais, l'accent ou le doigt sur des traits de caractère ou des traits de ma personnalité que je vis au quotidien sur le chemin, mais que j'accepte tout simplement. Des moments où j'ai envie d'être seule, ça arrive plein de fois. Quelquefois, la difficulté que j'ai d'aller vers certaines personnes par manque de confiance. Voilà, j'ai découvert ça de moi, en fait, finalement, que... j'avais une réserve de confiance qui était assez limitée. Mais plus je marche, plus j'ai confiance en moi. Plus je me dis que la vie est belle, que voilà, c'est. Je me dis que j'ai beaucoup de chance. Beaucoup. Voilà. Il y a des moments où je remercie la vie en marchant que je puisse ni plus ni moins marcher. Donc je remercie la vie d'avoir des muscles, d'avoir du souffle. D'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, de me donner tous ces paysages, de me donner du temps. Voilà. C'est un peu le mauvais côté du chemin en Espagne, c'est qu'on a souvent des camions à côté. Hein. Ah, c'est le défilé. Comment ça se produit, ça? C'est assez étrange, mais je ne cherche pas à l'expliquer maintenant. Je marche, voilà. J'avais lu plein de choses hein, sur ce fameux dépouillement, sur ce que l'on ressent lorsqu'on marche plusieurs jours et comment l'esprit se transforme. Mais quand on le vit, c'est vrai que c'est très surprenant. C'est, parce que ben, j'ose même pas imaginer effectivement la fin de mon pèlerinage. Là. L'arrivée à Santiago, je pense que c'est, ça doit être chargé d'émotions parce que je sais que je vais rencontrer des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. En France, j'ai rencontré des compagnons de route, Jean-Pierre et Jean-Jacques, mais pas en même temps. Mais après les avoir quittés, je me suis rendu compte à quel point ils étaient bienveillants pour moi. Voilà, c'est ça, bienveillants. Je suis partie de Saint-Palais. Saint-Palais-Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est 35 km. Voilà. Et la dernière heure de... Les dernières 2 heures, on est sur les panneaux d'indication du chemin. Sur un panneau, je vois qu'il y avait un petit papier. Donc je m'arrête, je regarde comme ça. Et le petit papier, il était pour moi. Et Jean-Jacques m'avait marqué. Je lui avais dit que je m'arrêterais à Saint-Jean-Pied-de-Port pour me reposer. Et il m'a marqué sur le papier... courage Nathalie, plus qu'une heure trente, pense à la grâce matinée que tu vas faire demain. Alors, tu trouves ça, tu es dans la nature, ça te motive pour marcher. Bah là on arrive dans un village où bah, y a rien. Donc moi j'ai un bout de pain et des noix à manger. Donc moi je peux vous proposer un bout de pain sec. Non ? Tiens Guillaume, goûte le pain sec. Moi j'ai aussi des noix. Et des noix qui viennent du Lot. Pain sec et des noix pour Nathalie donc, et vous l'avez entendu, pour notre reporter Guillaume Batin et son preneur de son Pierre-Alain Petbernade. Tous deux ont marché cet été avec Nathalie et Bérangère pour vous faire entendre ce reportage. Merci à tous les deux, mais également à Isabelle Limousin qui a assuré la prise de son au départ de Bérangère à Versailles. Nous avons pris des nouvelles de Nathalie et Bérangère depuis leur retour. Nathalie a repris le travail lundi dernier, comme prévu, mais le chemin l'a transformée. Elle a des projets plein la tête. Surtout, elle a pris une décision, ne plus se laisser submerger par sa vie professionnelle. Et elle est sûre d'une chose désormais, sa foi s'est développée sur le chemin. De son côté, Bérangère a fait sa rentrée de professeur de biologie dans un collège privé de Versailles. La fréquentation de ces chemins classés au patrimoine mondial de l'UNESCO a encore surpris cet été. En 6 ans, le nombre de pèlerins enregistrés au poste incontournable de Saint-Jean-Pied-de-Port a doublé. La réalisation de cette émission est signée Gilles Davidas, assisté de Frédéric Rouziès. Le mixage a été assuré par Michel Créis. La semaine prochaine, nous vous emmenons en Chine. La Chine, en plein essor, qui assure 70% de son énergie grâce à la production de charbon. Mais son extraction est criminelle, 20 000 morts par an selon les spécialistes. Un reportage d'Alain Lefkovitch, dimanche prochain, dans Interception. Merci de nous rester fidèles sur France Inter. Rendez-vous avec Philippe Meyer dans quelques minutes, après le journal de 10h.